Yeah. L'architecte pensera à elle. Ouais. Pensera à elle. Yeah. Je vais que penser à elle, alors pourquoi devrais-je l'oublier? Je n'ai même pas solitaire, j'étais prêt à tout quitter pour elle. Je me suis attaché trop vite à son joli sourire. J'ai buté le rhum et c'est pour ça que j'ai mon cerveau qui se poussille. C'est que je ne sais même pas si elle va bien. L'amour une maladie dont je n'ai pas su trouver le vaccin. Je voulais juste lui dire qu'elle est tout simplement trop belle. Je veux revenir en arrière mais ça créerait des failles intemporelles. J'ai chialé pendant des heures et aujourd'hui je le regrette encore. Je n'ai même pas dit que je l'aimais donc j'écris ce texte en prose. Si je vais penser à Maureen, c'est que cela me réconforte. Je me fous du vrai confort, je veux que ça soit les mêmes rêves qu'on porte. C'est écrit sur mon front mais t'assure que je suis pas un baratineur. Tu m'as touché en plein dans le cœur avec une balle de carabine. Regrette rien fiston, ouais c'est ce que me disait mon père. J'prie pour que tu m'écoutes et désolé si c'est à travers le son que je m'exprime. C'est juste que c'est délicat pour moi de te le dire en face. Et je voulais que tu saches que je suis fou amoureux de toi hein. C'est juste que c'est délicat pour moi de te le dire en face. Mais je voulais que tu saches que je suis fou amoureux de toi hein. C'est juste que c'est délicat pour moi de te le dire en face. Mais je voulais que tu saches que je suis fou amoureux de toi hein. C'est juste que c'est délicat pour moi de te le dire en face. Mais je voulais que tu saches que je suis fou amoureux de toi hein. Je vais que penser à elle et je vais t'y sentir manque elle assure. Je voulais juste lui prouver que mes sentiments je les assume. J'ai pas tout fait peut-être, mais je me sens poussé des ailes. Avec elle, je ne me contenterai pas de toucher le ciel. Mais bon, je voudrais que je redescende sur terre car rien n'est fait. Réponds-moi s'il te plaît car l'idée que tu n'ailles pas bien mes frères. Je sais que tu es distante mais la musique traverse les continents. Je t'aime tellement que je pourrais passer mon temps à te faire des compliments. Je me suis perdu dans tes yeux et je me suis noyé de mon chagrin. Je voulais juste te dire que je pense à toi chaque matin. J'ai écrit ce texte car j'avais besoin de te déclarer ma flamme. Je suis prêt à me battre pour toi jusqu'à en éclater ma lame. Je t'avoue tout ça que maintenant je sais que c'est sûrement trop tard. Je veux juste te prendre dans mes bras et puis t'emmener autre part. T'es une fille en or, la preuve c'est que même le silence en est jaloux. Je n'ai pas réussi à dire que je t'aime donc maintenant je te l'avoue. Donc maintenant je te l'avoue. Donc maintenant je te l'avoue. Maintenant je te l'avoue. C'est juste que c'est délicat pour moi de te le dire en face. Et je voulais que tu saches que je suis fou amoureux de toi. C'est juste que c'est délicat pour moi de te le dire en face. Mais je voulais que tu saches que je suis fou amoureux de toi. C'est juste que c'est délicat pour moi de te le dire en face. Mais je voulais que tu saches que je suis fou amoureux de toi. C'est juste que c'est délicat pour moi de te le dire en face. Mais je voulais que tu saches que je suis fou amoureux de toi.